Ça a été envoyé aux réseaux associatifs, associations de solidarité, associations qui ont un rôle dans l'accès aux droits. Ça a été envoyé à des institutionnels, CAF, CPAM, départements, enfin aussi, parce qu'eux aussi délivrent des droits et ont un rôle à jouer là-dedans. Donc il y a une bonne partie du réseau associatif qui est représentée, je pense, parmi ceux qu'on a invités. Après, ça a circulé aussi, l'invitation, ce qui était le but. Il y a quelques usagers aussi, quelques habitants qui ont participé en amont à la démarche, qui ont été là. C'était très bien. Avec le groupe Petit Papier, notamment, qu'on a impliqué via l'exposition qui a été proposée et puis les témoignages joués qui ont été, qui sont intervenus hier par Ali Djilali. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, au vu des présents, que le réseau associatif est très bien représenté. Je pense que le réseau institutionnel est malheureusement un peu moins bien représenté. Bon, j'aurais souhaité que les institutionnels se mobilisent un petit peu plus. L'idée, c'est d'entamer une démarche partenariale et d'arriver à construire des solutions, des actions ensemble. Parce que la ville de Grenoble et CCAS ne pourra rien tout seul.